Le cirque de Pyongyang a abrité le 16 la représentation artistique consacrée à la journée de la brillante étoile, Joie de février. Y ont assisté Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, les officiels des organismes du parti et des forces armées, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, ainsi que les cadres des organismes, des usines et entreprises, et les novateurs de travail de la ville de Pyongyang. Y sont invités aussi les délégations et groupes de félicitations des compatriotes coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste à l'occasion de la fête de février, notamment le groupe de félicitations des Coréens résidant au Japon et autres compatriotes, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les représentants diplomatiques et des institutions internationales, et les attachés militaires en Corée et leurs femmes et d'autres hôtes étrangers. Commencé par le prologue, le récit et la musique de l'hymne révolutionnaire immortel, le chant du général Kim Jong-il, les artistes ont vivement fait l'éloge de la vie révolutionnaire du général Kim Jong-il, qui est né comme brillante étoile du Baekdu, a honoré le long trajet de la révolution du thé, de la victoire et de la gloire, et a marqué sur le sol coréen l'histoire sacrée de la primauté des masses populaires.